Lorsque vous passez sous le couvert des arbres, dans la pénombre, pénombre qui se renforce, tu sembles entendre tout autour de toi des voix qui susurrent, et surtout celui qui te tient la main saute, agite, regarde inquiet tout autour de lui à mesure que vous avancez sous le couvert des arbres. Il est vraiment tendu, tu sens sa main qui était avant, qui étreignait pas la tienne franchement, qui était comme ça, qui osait pas trop la serrer, qui et là et tu sens le paracoude et sa main qui se resserre sur la tienne. Et quand tu regardes son visage, tu le vois les yeux grands ouverts, regardant tout autour de lui et scrutant les arbres eux-mêmes, les branches, le tunnel que forment les branches maîtresses des arbres semble s'obscurcir. Il presse le pas, tirant un peu sur ta main. Est-ce que tu épouses son rythme? Comment te sens-tu? Entends-tu toi aussi entends-tu quelque chose? Perçois-tu quelque chose? Lui, il a l'air... Il tourne sur lui-même, il ne sautille pas, il ne virevolte pas comme tantôt sur le coteau. Non, il est rivé à ta main et il finit par se planter comme ça, tout tremblant, tenant à pleine main ta main comme ça. Et tu sens en lui, tu vois en lui ce jeune garçon de 14 printemps. Tu ne vois plus le fanfaron qui bombait le torse tout à l'heure et qui te montrait avec fougue sa dague dont il te protégerait. N'aie pas peur, t'inquiète pas. Tu es là, Marguerite. Tu seras là pour moi? Oui. Tu entends les voix, toi aussi? Oui, mais j'ai l'habitude, vois-tu. Il lâche ta main, il te regarde. Et il s'agenouille. Pardon? Maîtresse des esprits. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Je ne vois pas de quoi tu parles par maîtresse des esprits. Je ne suis pas maîtresse des esprits. Si tu l'es. Non, je ne le suis pas. Je ne vois pas de quoi tu parles. Les voix refluent. Non, je ne le suis. Les voix refluent. Je ne suis pas. Accorde-moi ta protection, Marguerite. Oui, même si je ne le suis pas. Et d'une certaine façon, la magie du moment s'est envolée. Il s'est redressé, il se tient à côté de toi, il est un peu gauche, il est... on va rentrer à la maison alors? Écoute. Oui. Je ne suis pas ce que tu crois, d'accord? D'accord. Et même si tu crois que je suis, je ne le suis pas. N'en parle à personne. Promis. J'en fais la promesse solennelle. D'accord. Sur être. Je te promets que je ne dirai à personne. D'accord. Ce sera notre secret. D'accord. Merci. De rien. Vous n'êtes plus sous le couvert des arbres. Vous êtes toujours au bord du lac, dont vous entendez l'eau clapoter auprès de vous. T'arrive-t-il, maîtresse des esprits, de t'adresser à ces esprits dont tu as la charge? Que seulement quand je n'ai pas le choix, comme à présent. D'accord. Est-ce que lorsque les étoiles apparaissent dans le ciel, lorsque tu te sens apaisé, au calme, est-ce que tu entends des choses, vois, discernes? Cela dépend. Tout est affaire de circonstances, c'est cela? Oui. Vous regagnez la maison d'Elébor, puisqu'elle est la maîtresse de maison. Erel n'y est plus. Il n'y a pas non plus la joie primesautière de Brindel. Cette jeune femme, quelque peu délurée, que tu n'as côtoyée que de brefs instants, mais qui semblait emplie d'une énergie propre à soulever de nombreux enthousiasmes. Maintenant que l'orée du bois est loin, et que vous êtes arrivé à hauteur de la maisonnée, ton compagnon d'un soir, Fenouil, semble tout hésitant. Il est devant son chien, il le caresse distraitement, il murmure quelque chose à l'oreille. Promis, Marguerite, je ne lui ai pas dit ton secret. Je lui murmure d'autres secrets qu'on partage tous les deux. Mais avec moi, ton secret est bien gardé. Et je vais te montrer ta chambre. Et il te prend à nouveau par la main. Vous grimpez les quelques marches qui mènent à l'étage, qui s'avance, puis il pousse une trappe ménagée au plafond. Tu entends un grincement, le contrepoids qui pèse et fait grincer les corps tendus sur les poulies. Vous pénétrez dans la mansarde et tu te trouves sous les combles avec un grand lit de bois avec des pieds particulièrement ornementés, un grand lit pour deux personnes immense, avec une pile de draps et d'édredons sagement pliés. Voilà. Et il pose il déplace un bro. Je vais te chercher de l'eau pour ta toilette matinale de demain. Puis-je te poser une question? Quelle question? C'est comme ça qu'ils traitent tous les inconnus que que vous traitez tous les inconnus que vous hébergez ? Il arrive que des gens viennent... viennent prêter... mais c'est en général au moment où il y a de gros travaux. Mais nous n'avons plus de commandes à honorer désormais. Il n'y a plus d'hommes à la Syrie. Et puis... et les bords se refusent à ce que quiconque y entre. C'est devenu... Il faut que j'y aille en cachette pour chiper du bois pour la maison d'Erel et de l'être. Tout devrait rester comme quand être est parti. C'est bizarre. Je vais te chercher de l'eau. Tu l'entends dévaler les marches, la porte claquer. Tu l'entends parler avec son chien qui aboie, grogne. Les draps sont parfumés et ils sentent bon les fleurs de la prairie où il y a versé quelques eaux de parfum. Son propre, frais, agréable au toucher. C'est un bien confortable. Il revient, remonte, dépose le broc d'eau fraîche. Belle nuit, Marguerite. À demain. Demain. Et referme la trappe tout doucement. À demain. À demain. Faites beau rêve. Toi aussi. Et enfin, la porte, la trappe retombe. Tu entends un petit peu grincer le contrepoids, puis juste les bruits de la maisonnée, mais... faibles ouatées qui proviennent d'en bas. Je suppose que tu t'installes pour te reposer, dormir. Oui, un peu, oui. Après la journée, oui. Voilà, et sitôt que t'es allongé, tu te trouves réveillé par un... Ouvre les yeux et par l'étroite fenêtre ronde qui illumine la pièce, tu vois qu'il fait plein jour. Plein jour. Voir que la matinée est bien avancée vu la course du soleil dans le ciel. Tu as fort bien dormi, tu as faim et tu entends ce... Pardon. C'est quoi ça? Un rat. Gratter. Un rat. Une souris. Un truc dans le genre. Un rongeur. Marguerite. Ou alors, un fenouil. C'est fenouil finalement. Tu vois la trappe se soulever légèrement. Marguerite, oui. Es-tu éveillée? Maintenant, oui. Oh, désolé. C'est pas grave. La mer et les bords, elles s'impatientent. Il faudrait prendre l'ouvrage et... Oui, j'arrive. Donc, tu fais ta toilette. Tu t'apprêtes. Je dois aller visiter la vieille et ramasser du bois. Tu m'accompagneras? Oui. Quand tu arrives en bas dans la cuisine, il y a une grande assiette, un grand bol et une assiette qui sont placés sur la table, les deux seuls. La marmite qui frissonne et l'inévitable fenouil qui rôde dans les parages et qui soulève le couvercle et vient de servir obligeamment un grand bol de soupe. Il veut vraiment que j'explose. Il faut que tu prennes des forces, on va avoir une grande journée. Et toi ? Moi j'ai déjà mangé, je suis levé depuis belle lurette. Oui, c'est vrai, j'ai pas en avance. Elle m'a dit que il fallait que j'arrête de bassoter là et que je me mette à l'ouvrage. Alors j'ai été livrer mon fagot, j'ai eu le temps. Bon, je me suis un peu égaré en chemin, mais j'ai fourbi mon arme, mais cette fois-ci, elle est bien aiguisée, ma dague, et tu pourras l'utiliser, je te la confie même. Et il la sort avec un luxe de précaution de son étui. Il défait avec peine la boucle de son ceinturon, sort l'étui, la rengaine et te donne le tout. Merci. Tu en feras meilleur usage que je ne pourrais en faire dans l'immédiat. Mais elle pourrait pas te servir. Si nous sommes appelés, nous, les gens de la réserve, bien sûr, je serai là pour sa pureté. Mais j'ai vu dans le bois que toi, tu... Tu n'as pas entendu cette voix autre part ? Si. Ouf. Quand j'ai mené le magot, le cheval de Térébenthe, la vieille, quand je l'ai mené la dernière fois au bois, eh ben, le bois, il m'a parlé. Il t'a dit quoi ? Dis-moi ce qu'il t'a dit. Il m'a dit qu'il fallait que j'étais qu'un moins que rien, que je valais pas, que je valais pas être, qu'il fallait que je devienne un homme arbre. Évite de les écouter, d'accord? Quand il a dit homme arbre, son visage c'est comme figé l'espace d'un instant. Ses paupières sont closes. Il a frissonné. Et s'est repris aussitôt. D'accord. Évite d'écouter ses voix, d'accord ? J'écoute la tienne, Marguerite. Ah, faut sortir. Tu n'as pas... Mais mange. Prends des forces. Oui. De toute manière, tu n'avais pas l'intention de les écouter, hein ? Non. Sois toi-même. Je veux que tu te dises ça. Ressembler à un autre ne mène à rien. Ne mène qu'au mal-être et à la souffrance. D'accord ? Oui, j'écoute ce que tu me dis, Marguerite. Bon, je me dépêche de manger et je te rejoins. D'accord. Je vais envoyer Bobby chasser, qui nous débusque un lièvre pour le soir. Mmh. Bonne idée. Et arrive Brimbel sur. Tu la vois passer, qui salue bien évidemment le jeune Fenouille. Elle le salue d'un grand sourire. Ah, salut Fenouille. Alors, qu'est-ce que t'es en train de bassoter là? Tu lui tournes autour comme les mouches autour de mes vaches. Ah, carrément. Et elle fait mine de lui donner une tape derrière l'oreille qui l'évite prestement, mais en fait, il est presque de sa taille. Il bombe à moitié le torse, ce qui fait que ça lui permet de rattraper son cou et ouf, lui ajuster effectivement la taloche qu'elle lui destinait. Et il est... Ah bah, tu es juste à prendre ta collation. Oui, j'ai passé une très bonne nuit, j'ai eu du mal à me réveiller. Ah oui, c'est l'air des hauteurs. Oui. Ça profite à mes vaches. Oui. Mais, et qu'as-tu prévu aujourd'hui? Bah, encore... t'accompagner... La vieille, elle est morte, elle est pas là? Je ne l'ai pas vue pour l'instant. Tu me permets que je te gêne pendant ton repas? C'est ce que tu veux, hein. Après, tu me gênes pas. Tu m'en vois ravi. Ôte-moi d'un doute. Oui. Et là, tu vois que... Elle tord ses doigts. T'es pas tombé sous le charme d'Erel? Pourquoi? Ah, non, comme ça. En fait, Erel, elle est triste. Elle le montre pas, mais elle est très triste. Je sais, ça se voit à son regard. Faudrait qu'elle oublie, mais il est mort qui lui serine son devoir d'épouser, et tout lui rappelle sa condition d'épouser. En fait, il faudrait qu'elle ait, faudrait d'autres épousailles pour que son esprit. Est-ce que tu bénirais notre union, maître des esprits? Quoi? Allez, sois bonne, bénis notre union. Même si je suis pas celle que tu crois. Ça sera du pareil au même. D'accord. Pour Elébor, si tu bénis notre union, tu es maître des esprits. Et moi je sais, en mon fort intérieur, que tu en es une. Qu'elle soit d'accord. C'est à toi de faire le possible pour qu'elle y aille, qu'elle soit d'accord. Je sais qu'en son cœur, elle partage mes sentiments. À toi de les dévoiler. Je lui ai dévoilé, elle les connaît. Elle les connaît. Maintenant, il faut que tu essayes de les dévoiler. Elle est d'accord? Ou pas. Elle pense encore être, mais penser à être, ça la fait souffrir. Je vois. Je la vois s'étioler de jour en jour, comprends-moi. J'essaierai de lui parler. C'est pas égoïste, je l'aime vraiment. Oui, je sais, je m'en doute. Je l'aime vraiment et il me peine de la voir souffrir. Parce que je sais qu'elle souffre. Elle souffre de m'aimer. Et de ne pouvoir le vivre. J'essaierai de lui parler. Merci à toi. Elle n'est pas au courant. De ma démarche, non. Oui. Et de moi? Non, je ne pense pas qu'elle est... D'accord. Elle est trop préoccupée pour cela. Donc, vous êtes deux à l'avoir vue. En même temps, c'est très... Voyons, mais bon. Tu me promets de ne le dire à personne. Il faudra bien le dire lorsque tu viendras à notre union. Oui, mais pas pour l'instant, d'accord? D'accord. Je préserverai ta qualité. Merci. Quel est ton nom? Tu sais, voilà. Je l'ai déjà dit... celle avec qui tu viens de discuter. demandé de te donner un nom. Elle t'a donné un nom d'amoureuse. Quel est ton nom véritable ? Tu l'ignores ? Oui. Je sens toi une blessure profonde. Il y a quelque chose en toi sur ce, dans ton nom. Elle tend curieusement la main vers ta poitrine, là où pend ta pierre. Et aux côtés de la pierre se trouve ton médaillon. Les gens sans nom sont rares sur nos routes. Et ta blessure, peut-être que le recouvrer, ce sera la pensée. Et elle s'éloigne, elle est à nouveau celle que tu as vue et avec laquelle tu as couru au bas des pentes. Elle te fait un belle journée. Merci, toi aussi. Et elle s'en va dans un envol de robe presque gracieux, ne fût-ce les sabots crottés qu'elle a aux pieds. Tu n'as pas mangé et tu vois poindre une tête qui passe par l'embrasure de la porte. On va... Tu m'accompagnes dans le bois ? Oui, oui, oui. Encore, oui. Ouais. Il retourne... dans la cour, tu finis ton repas. Oui. Et tu vas le rejoindre. À quoi penses-tu en le rejoignant ? Quel est ton état d'esprit ? Je suis comme d'habitude, mais. Qu'est-ce qui te préoccupe le plus ? Est-ce le pacte moral que tu viens de nouer avec Brimbelle ? Ou est-ce l'état d'esprit que tu devines extrêmement agité de Fenouil ? Tu le rejoins dans la cour, il a avec lui un vieux cheval massif qui est revêtu d'un baudrier avec des chaînes qui lui servent à tirer et à tracter le bois dans la forêt. Et il le mène à la longe avec toi, il a sa houtotte et te tend une sa houtotte vide, il t'en tend une pour toi. On doit ramener et des fagots et des grandes planches pour faire avancer le chantier de l'ARL. Et il fait avancer. Allez, allez, allez, allez, le loup. Allez, allez. Le le cheval avance plus à l'allure d'un âne. Vous avancez plutôt distraitement, profitant de la matinée. L'air s'est rafraîchi par rapport à la veille où il y avait énormément de brume au matin. Là, il y a un amoncellement de nuages et une pluie s'annonce, mais il n'y a pas de répit pour les braves et il faut bien abattre sa tâche. Vous profitez de l'absence de pluie pour l'instant pour gravir la pente. Tu peines quelque peu, c'est pas la route empierrée que tu as empruntée la veille, c'est juste un chemin qu'utilisent les gens du hameau du Pré du Roi pour se rendre jusqu'au lieu des sartages. Et à la première halte, tu la salues par un certain soulagement. Ça ménage tes mollets qui commençaient à peiner sur la pente. C'est une halte où il passe la longe du loro le long d'une branche et il s'éloigne sans... Je vais relever mon collet. Sans te dire autre chose que cela, et il s'éloigne rapidement, se faufile entre les broussailles. Le temps s'écoule, une légère éclaircie, tu avises un gros orange, l'un de ces champignons orange à la chair délectable, qui est juste devant toi à tes pieds. Et sur l'orange, un magnifique papillon multicolore qui est posé. Tu te contentes de regarder, de le contempler ? Oui. Au moment où le papillon s'éloigne à tire d'aile, tu entends « Tu m'as volé le papillon !» Mmh. Et tu vois une gamine, les cheveux en bataille, vêtue de ce qu'on pourrait appeler des guenilles, tellement elle a navigué au sein des ronces, qui s'approche de toi. Mais qu'est-ce que tu fais là avec le loro? Tu vas prendre du bois dans le bois? Bah, c'est dangereux. Pourquoi? Le papillon, il avait raison de s'en aller, hein. Pourquoi? Pourquoi tu te dis ça? Ouais, parce qu'il y a plein de choses sombres qui rôdent dans le bois. T'es étrangère, mais... ici, on le sait. Les grands, ils ont entendu des choses dans le bois, enfin. Je sais. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Moi, je... J'attrape les papillons. Et elle se carapate, elle court à toute allure pour essayer d'attraper le papillon de tout à l'heure qui vient de se poser sur un tronc. Et tu la vois redescendre avec son papillon. D'accord. Tu n'as pas de parents? Bah, si. Ils sont où? Où sont-ils? Mon papa, il est allongé. Allongé? Il est mort. Ah, et ta mère? Et ma mère, elle travaille au champ. Mmh. Et comme je suis encore jeune et gaillarde, j'ai le droit de chasser les papillons aujourd'hui. Mais demain, il faudra que j'aille chercher de l'eau au puits. Ça, c'est moins drôle. C'est lourd, et puis ça fait mal aux doigts, ça cisaille les doigts. C'est... Mais aujourd'hui, j'ai le droit de bassoter. Alors, ça profite. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle... Devine. Bah, bonjour, Devine. Mais non ! Mais elle est bêta ! Je sais pas, moi. Épinette, c'est mon nom. C'est un joli nom. Oui. C'est un joli nom, mais je suis jolie, moi aussi. Bah oui. Et elle se sauve alors que Fenouille te rejoint. Encore ces braconniers. Qu'est-ce qu'il y a ? Eh ben, je suis allé lever mes collets. Oui. Et quelqu'un était passé. On m'a chippé mon lièvre. Ouais. C'est un coup des charbonniers, ça. Ah. Des charbonniers, c'est-à-dire ? Bah, les sorciers qui vivent dans le bois. Oui, les sorciers qui vivent dans le bois. Oui, les charbonniers. Ils ont fait un pacte avec... les choses sombres qui vivent au cœur du bois pour domestiquer le feu qui nous donne le charbon. Mmh. Il fait aller le loro qui gravit tranquillement la pente. Et à quoi ressemble-t-il ? Moi, je les approche pas. C'est pas moi qui fais les contrats, c'est les bords. Je sache à qui j'ai affaire. Ouais, ils sont noirs, tout noirs dessus. Il faut pas que tu les vois. Non, il faut pas que tu ailles les voir. Je ne vais pas les voir. Ils sont mauvais, moi je veux pas qu'il t'arrive quelque chose. Non, ne t'inquiète pas pour moi. Non. J'ai eu un tas de confrontations dans ma vie. Avant de te connaître. Je serais trop triste de te voir emporté par les mauvais charbonniers. Jamais je m'en remettrai. Mais ils m'emporteront pas. De toute manière, j'ai pas l'intention de les voir. Juste au cas où que je les croise. Mais je sais jamais. Tu as ma dague. Moi aussi. Tu pourras leur faire leur affaire. Oui, mais je ne pense pas que cela suffise, mais merci. Et vous grimpez. Grimpez jusqu'à... l'oreille du bois. Vous rentrez en son sein et il fait encore soleil, un soleil timide, mais les nuages s'amoncellent au loin sur les hauts et jettent des ombres. Projette l'ombre des arbres loin devant. Vous grimpez un peu plus, vous entrez au cœur du bois jusqu'au sein du bois sur une sente que vous suivez un moment avec le cheval. Puis vous arrêtez dans une clairière où repose une cognée sur une souche. Il y a une grume d'abattue et il convient l'un et l'autre que vous élaguiez, ôtiez toutes les branches de la grume pour la dégager pour que on puisse la tracter, la descendre au bas et en faire et l'utiliser pour le chauffage. Un vulgaire pain, comme il y en a plein tout autour. Vous peinez à la tâche, les mouches, les moustiques bourdonnent tout autour. C'est un lieu un petit peu désagréable du fait de tous ces petits insectes qui volent autour de vous, qui incessamment viennent se coller dans votre cou. Il y a des moments où tu as l'impression que c'est ton compagnon qui poserait sa main aventureuse jusque dans ton cou. Non, c'est une saleté de moustique, un moucheron qui est venu s'engluer dans la sueur qu'arrache l'effort. Vous peinez à ôter les branches rétives et vous pataugez dans une boue au milieu de la mare qui s'est formée là où la souche s'est abattue. C'est donc un travail à la fois pénible, mais en même temps tu le vois, ton compagnon Fenouil, absorbé par la tâche, travaillant avec une espèce d'acharnement et donnant toutes ses forces pour ôter les branches. Et dans un premier temps, tu y vois une certaine ardeur, et puis lorsque tu ménages des pauses de loin en loin pour reprendre ton souffle, une fois alors qu'il est absorbé, tu pensais absorbé dans sa tâche, tu n'entendais pas à Année, mais toi tu soufflais toi-même et tu le vois qui regarde vers le bois. Il a le regard triste, les yeux embués. Il est à demi tourné vers toi, mais il ne semble même pas te voir. Il reste un moment comme cela. Il se reprend et dit: bon, vous avez une fois que vous avez quasiment dégrossi, vous avez bien dégrossi la grume, commence à nouer les chaînes autour, on pourra le rentrer celui-là. Ce que je te propose, c'est je vais chercher le reste du bois et le petit bois. Et tu mènes le loro au bas de la pente. Comme ça, t'auras pas le plus pénible à faire, d'accord? Hein? Je te laisse là, je vais chercher le petit bois. D'accord. Vas-y. Pourquoi tu me regardes comme ça? Oh, rien. Et il s'éloigne presque bondissant avec sa houtotte sur les épaules et celle qui t'avait confiée en main. Et tu le vois disparaître dans l'épaisseur du sous-bois. Que fais-tu? Tu retournes jusqu'au hameau ou tu restes dans le bois à bassoter et à l'attendre? Okay. Ou peut-être vas-tu voir où le suis-tu? Je le suis. Tu le suis? Discrètement tu le suis. Bien évidemment, au passage au premier bosquet, tu accroches ta robe dans les ronces et tu peines à te détacher et tu vois la frêle silhouette à moitié disparaître, gravir la pente. Tu devines plus le chemin qui suit, mais il a l'air d'aller bon train et s'éloigner comme ça pour ainsi dire tu le perds de vue lorsque enfin tu détaches ton vêtement des ronces et tu vas à sa suite un peu plus vivement tu fais craquer quelques branches sous tes pas. Tu t'enrages de pas aller aussi vite que lui et tu le vois monter à hauteur d'un rocher, d'un affleurement rocheux au pied d'un grand résineux et disparaître dans l'ombre de celui-ci. Tu gravis la pente et là tu vois qu'il y a à l'ombre de cet arbre, au pied de l'arbre, une espèce de petite infractuosité rocheuse comme un terrier naturel, une cabane de gamins. Il y a quelques branchages qui forment un rideau.